Chapitre 3e. La révolte des cipayes. Quelques mots feront sommairement connaître ce qu'était l'Inde à l'époque à laquelle ce récit se rattache, et plus particulièrement ce que fut cette formidable insurrection des cipayes, dont il importe de reprendre ici les principaux faits. Ce fut en 1600, sous le règne d'Élisabeth, en pleine race solaire, dans cette terre sainte de l'Aryavarta, au milieu d'une population de 200 millions d'habitants, dont 112 millions appartenaient à la religion hindoue, que se fonda la très honorable Compagnie des Indes, connue sous le sobriquet bien anglais de Old John Company. C'était au début une simple association de marchands faisant le trafic avec les Indes orientales, à la tête de laquelle fut placé le duc de Cumberland. Vers cette époque, déjà, la puissance portugaise, après avoir été grande aux Indes, commençait à s'effacer. Aussi, les Anglais, mettant cette situation à profit, tentèrent-ils un premier essai d'administration politique et militaire dans cette présidence du Bengale, dont la capitale, Calcutta, allait devenir le centre du nouveau gouvernement. Tout d'abord, le 39e régiment de l'armée royale expédié d'Angleterre vint occuper la province. De là cette devise, qu'il porte encore sur son drapeau, Primus in Indis. Cependant, une compagnie française s'était fondée à peu près vers le même temps, sous le patronage de Colbert. Elle avait le même but que celui dont la Compagnie des marchands de Londres avait fait son objectif. De cette rivalité devaient naître des conflits d'intérêts. Il s'ensuivit de longues luttes avec succès et revers, qui illustrèrent les Duplex, les Labourdonnais, les Lally-Tollendal. Finalement, les Français, écrasés par le nombre, durent abandonner le Carnatic, cette portion de la péninsule qui comprend une partie de sa lisière orientale. Lord Clive, libre de concurrents, ne craignant plus rien ni du Portugal ni de la France, entreprit alors d'assurer la conquête du Bengale, dont Lord Hastings fut nommé le gouverneur général. Des réformes furent poursuivies par une administration habile et persévérante, mais de ce jour, la Compagnie des Indes, si puissante, si absorbante même, fut touchée directement dans ses intérêts les plus vifs. Quelques années plus tard, en 1784, Pitt apporta encore des modifications à sa charte primitive, son sceptre dut passer entre les mains des conseillers de la couronne. Résultat de ce nouvel ordre de choses, en 1813, la Compagnie allait perdre le monopole du commerce des Indes et en 1833, le monopole du commerce de la Chine. Toutefois, si l'Angleterre n'avait plus à lutter contre les associations étrangères dans la péninsule, elle eut à soutenir des guerres difficiles, soit avec les anciens possesseurs du sol, soit avec les derniers concurrents asiatiques de ce riche domaine. Sous Lord Cornwallis, en 1784, ce fut la lutte avec Tippo Saïb, tué le 4 mai 1799, dans le dernier assaut donné par le général Harris à Seringapatam. Ce fut la guerre avec les Maharats, ce peuple de haute race, très puissant pendant le XVIIIe siècle, et la guerre avec les Pindari, qui résistèrent si courageusement. Ce fut encore la guerre contre les Gourkas du Népal, ces hardis montagnards, qui dans la périlleuse épreuve de 1857, devaient rester les fidèles alliés des Anglais. Enfin, ce fut la guerre contre les Birmans, de 1823 à 1824. En 1828, les Anglais étaient maîtres, directement ou indirectement, d'une grande partie du territoire. Avec Lord William Bentinck commença une nouvelle phase administrative. Depuis la régularisation des forces militaires dans l'Inde, l'armée avait toujours compté deux contingents très distincts, le contingent européen et le contingent natif ou indigène. Le premier formait l'armée royale, composée de régiments de cavalerie, de bataillons d'infanterie et de bataillons d'infanterie européenne au service de la Compagnie des Indes. Le second formait l'armée native, comprenant des bataillons d'infanterie et des bataillons de cavalerie réguliers, mais indigènes, commandés par des officiers anglais. À cela, il fallait ajouter une artillerie, dont le personnel, appartenant à la compagnie, était européen, à l'exception de quelques batteries. Quel était l'effectif de ces régiments ou bataillons qui sont indifféremment nommés de cette façon dans l'armée royale? Pour l'infanterie, 1100 hommes par bataillon dans l'armée du Bengale et 8 à 900 dans les armées de Bombay et de Madras. Pour la cavalerie, 600 sabres dans chaque régiment des deux armées. En somme, en 1857, ainsi que l'établit avec une extrême précision M. de Valbezen dans ses nouvelles études sur les Anglais et l'Inde, ouvrage très remarqué, on pouvait évaluer à 200 000 hommes de troupes natives et à 45 000 hommes de troupes européennes le total des forces des trois présidences. Or, les Sipayes, tout en formant un corps régulier que commandaient des officiers anglais, n'étaient pas sans quelque velléité de secouer ce dur joug de la discipline européenne que leur imposaient les conquérants. Déjà, en 1806, peut-être même sous l'inspiration du fils de Tippo Saïb, la garnison de l'armée native de Madras, cantonnée à Vellore, avait massacré les grands gardes du 69e régiment de l'armée royale, incendié les casernes, égorgé les officiers et leurs familles, fusillé les soldats malades jusque dans l'hôpital. Quelle avait été la cause de cette rébellion, la cause apparente au moins? Une prétendue question de moustaches, de coiffures et de boucles d'oreilles. Au fond, il y avait la haine des envahis contre les envahisseurs. Ce premier soulèvement fut promptement étouffé par les forces royales cantonnées à Ascot. Une raison de ce genre, un prétexte aussi, devait également provoquer à son début le premier mouvement insurrectionnel de 1857, mouvement bien autrement redoutable, qui eût peut-être anéanti la puissance anglaise dans l'Inde si les troupes natives des présidences de Madras et de Bombay y eussent pris part. Avant tout, cependant, il convient de bien établir que cette révolte ne fut pas nationale. Les hindous des campagnes et des villes, cela est certain, s'en désintéressèrent absolument. En outre, elle fut limitée aux États semi-indépendants de l'Inde centrale, aux provinces du Nord-Ouest et au royaume d'Oud. Le Pendjab demeura fidèle aux Anglais, avec son régiment de 3 escadrons du Caucase indien. Restèrent fidèles aussi les Sikhs, ces ouvriers de caste inférieure, qui se distinguèrent particulièrement au siège de Delhi. Fidèles, ces Gourkhas, amenés au siège de Lucknow, au nombre de 12 000, par le Raja du Népal. Fidèles enfin les Maharajas de Gwalior et de Patiala, le Raja de Rampore, la Rani de Bhopal, fidèles aux lois de l'honneur militaire, et pour employer l'expression usitée par les natifs de l'Inde, fidèles au sel. Au début de l'insurrection, Lord Canning était à la tête de l'administration en qualité de gouverneur général. Peut-être cet homme d'État s'illusionna-t-il sur la portée du mouvement. Depuis quelques années déjà, l'étoile du Royaume-Uni avait visiblement pâli au ciel hindou. En 1842, la retraite de Kaboul venait diminuer le prestige des conquérants européens. L'attitude de l'armée anglaise pendant la guerre de Crimée n'avait pas été non plus, dans quelques circonstances, à la hauteur de sa réputation militaire. Aussi arriva-t-il un moment où les Sipayes, très au courant de ce qui se passait sur les bords de la mer Noire, songèrent qu'une révolte des troupes natives réussirait peut-être. Il ne fallait qu'une étincelle, d'ailleurs, pour enflammer des esprits bien préparés que les bardes, les brahmanes, les moulvis excitaient par leurs prédications et leurs chants. Cette occasion se présenta dans l'année 1857, pendant laquelle le contingent de l'armée royale avait dû être quelque peu réduit sous la nécessité des complications extérieures. Au commencement de cette année, Nana Sahib, autrement dit le Nabab d'Andoupan, qui résidait près de Cawnpore, s'était rendu à Delhi, puis à Lucknow, dans le but sans doute de provoquer le soulèvement préparé de longue main. En effet, peu de temps après le départ du Nana, se déclarait le mouvement insurrectionnel. Le gouvernement anglais venait d'introduire dans l'armée native l'usage de la carabine Enfield, qui nécessite l'emploi de cartouches graissées. Un jour, le bruit se répandit que cette graisse était soit de la graisse de vache, soit de la graisse de porc, suivant que les cartouches étaient destinées aux soldats hindous ou musulmans de l'armée indigène. Or, dans un pays où les populations renoncent à se servir même du savon, parce que la graisse d'un animal sacré ou vil peut entrer dans sa composition, l'emploi de cartouches enduites de cette substance, cartouches qu'il fallait déchirer avec les lèvres, devait être difficilement accepté. Le gouvernement céda en partie devant les réclamations qui lui furent faites. Mais il eut beau modifier la manœuvre de la carabine, assurer que les graisses en question ne servaient pas à la confection des cartouches, il ne rassura et ne persuada personne dans l'armée des Sipayes. Le 24 février, à Berhampore, le 34e régiment refuse les cartouches. Au milieu du mois de mars, un adjudant est massacré et le régiment licencié, après le supplice des assassins, va porter dans les provinces voisines de plus actifs ferments de révolte. Le 10 mai, à Mira, un peu au nord de Delhi, les 3e, 11e et 20e régiments se révoltent, tuent leur colonel et plusieurs officiers d'état-major, livre la ville au pillage, puis se replie sur Delhi. Là, le Raja, un descendant de Timur, se joint à eux. L'arsenal tombe en leur pouvoir et les officiers du 54e régiment sont égorgés. Le 11 mai à Delhi, le major Fraser et ses officiers sont impitoyablement massacrés par les révoltés de Meerat jusque dans le palais du commandant européen. Et le 16 mai, 49 prisonniers, hommes, femmes, enfants, tombent sous la hache des assassins. Le 20 mai, le 26e régiment, cantonné près de Lahore, tue le commandant du port et le sergent-major européen. Le branle était donné à ces épouvantables boucheries. Le 28 mai, à Nourabad, nouvelle victime parmi les officiers anglo-indiens. Le 30 mai, dans les cantonnements de Lucknow, massacre du brigadier commandant, de son aide de camp et de plusieurs autres officiers. Le 31 mai, à Bareilly, de la Rohilkhand, meurtre de quelques officiers surpris qui ne peuvent même se défendre. À la même date, à Shahanpur, assassinat du collecteur et d'un certain nombre d'officiers par les Sipahis du 38e régiment, et le lendemain, au-delà de Barwar, égorgement des officiers, femmes et enfants, qui s'étaient mis en route pour gagner la station de Sivapur, à 1 mile de Aurangabad. Dans les premiers jours de juin, à Bhopal, massacre d'une partie de la population européenne, et à Jhansi, sous l'inspiration de la terrible Rani dépossédée, tuerie, avec des raffinements de cruauté sans exemple, des femmes et enfants réfugiés dans le fort. Le 6 juin, à Allahabad, 8 jeunes enseignes tombent sous les coups des Sipahis. Le 14 juin, à Gwalior, révolte de 2 régiments natifs et assassinat des officiers. Le 27 juin, à Cawnpore, première hécatombe de victimes de tout âge et de tout sexe, fusillées ou noyées, prélude de l'épouvantable drame qu'allait s'accomplir quelques semaines plus tard. À Holkar, le 1er juillet, massacre de 34 Européens, officiers, femmes, enfants, pillages, incendies, et à Hugo, le même jour, assassinat du colonel et de l'adjudant du 23e régiment de l'armée royale. Le 15 juillet, second massacre à Cawnpore. Ce jour-là, plusieurs centaines d'enfants et de femmes, et parmi celles-ci Lady Munro, sont égorgés avec une cruauté sans égale par les ordres du Nana lui-même, qui appela son aide les bouchers musulmans des abattoirs. Horrible tuerie, après laquelle les corps furent précipités dans un puits, resté légendaire. Le 26 septembre, sur une place de Lucknow, maintenant appelée le square des litières, nombreux blessés écharpés à coups de sabre et jetés encore vivants dans les flammes. Et enfin, tant d'autres massacres isolés dans les villes et les campagnes qui donnèrent à ce soulèvement un horrible caractère d'atrocité. À ces égorgements, d'ailleurs, les généraux anglais répondirent aussitôt par des représailles, nécessaires sans doute, puisqu'elles finirent par inspirer la terreur du nom anglais parmi les insurgés, mais qui furent véritablement épouvantables. Au début de l'insurrection, à Lahore, le grand juge Montgomery et le brigadier Corbert avaient pu désarmer, sans répandre de sang, sous la bouche de 12 pièces de canon, mèches allumées, les 8e, 16e, 26e et 49e régiments de l'armée native. À Multan, les 62e et 29e régiments indigènes avaient aussi dû rendre leurs armes sans pouvoir tenter une résistance sérieuse. De même à Peshawar, les 24e, 27e et 51e régiments furent désarmés par le brigadier Colton et le colonel Nicholson au moment où la révolte allait éclater. Mais les officiers du 51e régiment ayant fui dans la montagne, leurs têtes furent mises à prix et toutes furent bientôt rapportées par les montagnards. C'était le commencement des représailles. Une colonne, commandée par le colonel Nicholson, fut lancée alors sur un régiment natif qui marchait vers Delhi. Les révoltés ne tardèrent pas à être atteints, battus, dispersés et 120 prisonniers rentrèrent à Peshawar. Tous furent indistinctement condamnés à mort, mais 1 sur 3 seulement dut être exécuté. 10 canons furent rangés sur le champ de manœuvre, 1 prisonnier attaché à chacune de leurs bouches et 5 fois les 10 canons firent feu en couvrant la plaine de débris informes au milieu d'une atmosphère empestée par la chair brûlée. Ces suppliciés, suivant M. de Balbezen, moururent presque tous avec cette héroïque indifférence que les Indiens savent si bien conserver en face de la mort. « Seigneur capitaine, dit à un des officiers qui présidait l'exécution, un beau sipahi de 20 ans, en caressant nonchalamment de la main l'instrument de mort, « Seigneur capitaine, il n'est pas besoin de m'attacher, je n'ai pas envie de m'enfuir. » Telle fut cette première et horrible exécution qui devait être suivie de tant d'autres. Voici d'ailleurs l'ordre du jour qu'à cette date même, à Lahore, le brigadier Chamberlain portait à la connaissance des troupes natives après l'exécution de deux cipayes du 55e régiment. Vous venez de voir attacher vivant à la bouche des canons et mettre en pièces deux de vos camarades. Ce châtiment sera celui de tous les traîtres. Votre conscience vous dira les peines qu'ils subiront dans l'autre monde. Les deux soldats ont été mis à mort par le canon et non par la potence, parce que j'ai désiré leur éviter la souillure de l'attouchement du bourreau, et prouver ainsi que le gouvernement, même en ces jours de crise, ne veut rien faire qui puisse porter la moindre atteinte à vos préjugés de religion et de caste. Le 30 juillet, 1237 prisonniers tombaient successivement devant le peloton d'exécution et 50 autres n'échappaient au dernier supplice que pour mourir de faim et d'étouffement dans la prison où on les avait enfermés. Le 28 août, sur 870 cipayes qui fuyaient Lahore, 659 étaient impitoyablement massacrés par les soldats de l'armée royale. Le 23 septembre, après la prise de Delhi, trois princes de la famille du roi, l'héritier présomptif et ses deux cousins, se rendaient sans condition au général Hodgson, qui les emmena avec une escorte de 5 hommes seulement au milieu d'une foule menaçante de 5000 hindous, 1 contre 1000. Et cependant, à mi-route, Hodgson fit arrêter le char qui portait les prisonniers. Il monta près d'eux. Il leur ordonna de se découvrir la poitrine. Il les tua tous trois à coups de revolver. Cette sanglante exécution de la main d'un officier anglais, dit M. de Balbezen, devait exciter dans le Punjab la plus haute admiration. Après la prise de Delhi, 3000 prisonniers périssaient par le canon ou la potence, et avec eux, 29 membres de la famille royale. Le siège de Delhi, il est vrai, avait coûté aux assiégeants 2151 Européens et 1686 natifs. À Allahabad, horrible boucherie humaine, faite non plus parmi les cipayes, mais dans les rangs de l'humble population que des fanatiques avaient presque inconsciemment entraînée au pillage. À Lucknow, le 16 novembre, 2000 cipayes, passés par les armes au Sikander Bagh, jonchaient de leurs cadavres un espace de 120 mètres carrés. À Cawnpore, après le massacre, le colonel Ney obligeait les condamnés, avant de les livrer au gibet, à lécher et à nettoyer de leur langue, proportionnellement à leur rang de caste, chaque tache de sang restée dans la maison où les victimes avaient péri. C'était pour ces hindous faire précéder la mort par le déshonneur. Pendant l'expédition dans l'Inde centrale, les exécutions des prisonniers furent continuelles et sous les feux de la mousqueterie, des murs de chair humaine s'écroulaient sur la terre. Le 9 mars 1858, à l'attaque de la Maison Jaune, lors du second siège de Lucknow, après une épouvantable décimation de cipayes, il paraît constant qu'un de ces malheureux fut rôti vivant par les Sikhs, sous les yeux même des officiers anglais. Le 11, 50 corps de cipayes comblaient les fossés du palais de la Begum à Lucknow, sans qu'un seul blessé eût été épargné par des soldats qui ne se possédaient plus. Enfin, en 12 jours de combat, 3000 natifs expiraient par la corde ou sous les balles, et parmi eux, 380 fugitifs entassés dans l'île d'Idaspe qui s'était sauvée jusque dans le Cachemire. En somme, sans tenir compte du chiffre des cipayes qui furent tués les armes à la main, pendant cette répression impitoyable, répression qui n'admettait pas de prisonniers, rien que pour la campagne du Punjab, on ne trouve pas moins de 628 indigènes fusillés ou attachés à la bouche des canons par ordre de l'autorité militaire, 1370 par ordre de l'autorité civile, 386 pendus par ordre des deux autorités. Total fait, au commencement de l'année 1859, on estimait à plus de 120 000 le nombre des officiers et soldats natifs qui périrent et à plus de 200 000 celui des indigènes civils qui payèrent de leur vie leur participation, souvent douteuse, à cette insurrection. Terrible représailles contre lesquelles, non sans raison peut-être, M. Gladstone protesta avec énergie au Parlement anglais. Il est important pour le récit qui va suivre d'établir, de part et d'autre, le bilan de cette nécrologie. Il le fallait pour faire comprendre au lecteur quelle haine inassouvie devait rester aussi bien au cœur des vaincus, assoiffés de vengeance, qu'à celui des vainqueurs qui, 10 ans après, portait encore le deuil des victimes de Cawnpore et de Lucknow. Quant aux faits purement militaires de toute la campagne entreprise contre les rebelles, ils comprennent les expéditions suivantes qui vont être sommairement citées. C'est d'abord la première campagne du Pendjab qui coûta la vie à Sir John Lawrence. Puis vint le siège de Delhi, cette capitale de l'insurrection renforcée par des milliers de fugitifs et dans laquelle Mohammed Shah Bahadur fut proclamé empereur de l'Hindoustan. Finissez-en avec Delhi, avait impérieusement ordonné le gouverneur général dans une dernière dépêche au commandant-chef, et le siège, commencé dans la nuit du 13 juin, se terminait le 19 septembre après avoir coûté la vie aux généraux Sir Harry Barnard et John Nicholson. En même temps, après que Nana Sahib se fût fait déclarer Peshwa et couronné au château fort de Bilour, le général Havelock opérait sa marche sur Cawnpore. Il y entrait le 17 juillet, mais trop tard, pour empêcher le dernier massacre et s'emparer du Nana, qui put s'enfuir avec 5000 hommes et 40 pièces de canon. Cela fait, Havelock entreprenait une première campagne dans le royaume de Oud, et le 28 juillet, il passait le Gange avec 1700 hommes et 10 canons seulement, se dirigeant vers Lucknow. Sir Colin Campbell, le major-général Sir James Outram, entrait alors en scène. Le siège de Lucknow devait durer 87 jours, coûter la vie à Sir Henry Lawrence et au général Havelock. Puis, Colin Campbell, après avoir été forcé de se retirer sur Cawnpore, dont il s'emparait définitivement, se préparait pour une seconde campagne. Pendant ce temps, d'autres troupes délivraient Mohir, une des villes de l'Inde centrale, et faisaient une expédition à travers le Malwa, qui rétablissait l'autorité anglaise dans ce royaume. Au début de l'année 1858, Campbell et Outram recommençaient une seconde campagne dans l'Oud avec 4 divisions d'infanterie que commandaient les majors généraux Sir James Outram, Sir Edward Lugar, les brigadiers Walpole et Franks. La cavalerie était sous Sir Hope Grant, les armes spéciales sous Wilson et Robert Napier, soit environ 25 000 combattants que le Maharaja du Népal allait rejoindre avec 12 000 Kourgas. Mais l'armée révoltée de la Begum ne comptait pas moins de 120 000 hommes et la ville de Lucknow 7 à 800 000 habitants. La première attaque se fit le 6 mars, à la date du 16, après une série de combats dans lesquels tombèrent le capitaine de vaisseau Sir William Peel et le major Hodson. Les Anglais étaient en possession de la partie de la ville située sur la Goomtee. Malgré ces avantages, la Begum et son fils résistaient encore dans le palais de Moussa Bagh, à l'extrémité nord-ouest de Lucknow, et le Moulvi, chef musulman de la révolte, réfugié au centre même de la ville, refusait de se rendre. Le 19, une attaque d'Outram, le 21, un combat heureux, confirmait enfin aux Anglais la pleine possession de ce redoutable rempart de l'insurrection des Sipahis. Au mois d'avril, la révolte entrait dans sa dernière phase. Une expédition était faite dans le Rohilkhand, où s'étaient portés en grand nombre les insurgés et fugitifs. Bareilly, la capitale du royaume, fut tout d'abord l'objectif des chefs de l'armée royale. Les débuts ne furent pas heureux. Les Anglais subirent une sorte de défaite à Jodhpur. Le brigadier Adrien Hope fut tué. Mais vers la fin du mois, Campbell arrivait, reprenait Shahjahanpur, et le 5 mai, attaquant Bareilly, il couvrait la ville de feu et s'en emparait, sans avoir pu empêcher les rebelles de l'évacuer. Pendant ce temps, dans l'Inde centrale, s'ouvraient les campagnes de Sir Hugh Grose. Ce général, au premier jour de janvier 1858, marchait sur Sangor, à travers le royaume de Bhopal, en délivrait la garnison le 3 février, prenait le fort de Gurakota 10 jours après, forçait les défilés de la chaîne des Vindhya au col de Mandampore, passait la Betwa, arrivait devant Jhansi, défendu par 11 000 révoltés sous les ordres de la farouche Rani, l'investissait le 22 mars, au milieu d'une chaleur torride, détachait 2 000 hommes de l'armée assiégeante pour barrer la route à 20 000 hommes du contingent de Gwalior, amené par le fameux Tantia Topi, culbutait ce chef rebelle, donnait assaut à la ville le 2 avril, forçait la muraille, s'emparait de la citadelle, d'où la Rani parvenait à s'échapper, reprenait les opérations contre le fort de Kalpi, où la Rani et Tantia Topi avaient résolu de mourir, en devenait maître le 22 mai, après un héroïque assaut, continuait la campagne à la poursuite de la Rani et de son compagnon qui s'était jeté dans Gwalior, y concentrait, le 16 juin, ses 2 brigades que rejoignait un renfort du brigadier Napier, écrasait les révoltés à Morar, réduisait la place le 18 et revenait à Bombay après une campagne triomphale. Ce fut précisément dans une rencontre d'avant-poste, devant Gwalior, que succomba la Rani. Cette redoutable reine, toute dévouée au Nabab, sa plus fidèle compagne pendant l'insurrection, fut tuée de la main même de Sir Edward Munro, Nana Sahib sur le cadavre de Lady Munro à Cawnpore, le colonel sur le cadavre de la Rani à Gwalior. C'étaient là deux hommes en qui se résumaient la révolte et la répression, deux ennemis dont la haine aurait des effets terribles s'ils se retrouvaient jamais face à face. À ce moment, on peut considérer l'insurrection comme domptée, sauf peut-être dans quelques portions du royaume d'Oud. Campbell rentre donc en campagne le 2 novembre, s'empare des dernières positions des révoltés, oblige à se soumettre quelques chefs importants. Cependant, l'un d'eux, Benny Mado, n'est pas pris. On apprend en décembre qu'il s'est réfugié dans un district limitrophe du Népal. On affirme que Nana Sahib, Balao Rao, son frère, et la Begum Doud sont avec lui. Plus tard, au dernier jour de l'année, le bruit court qu'ils sont allés chercher asile sur la Rapti, à la limite des royaumes de Népal et de l'Oud. Campbell les presse vivement, mais ils passent la frontière. Ce fut dans les premiers jours de février 1859 seulement qu'une brigade anglaise, dont l'un des régiments était sous les ordres du colonel Munro, put les poursuivre jusque dans le Népal. Benny Mado est tué, la Begum Doud et son fils sont faits prisonniers et obtiennent la permission de résider dans la capitale du Népal. Quant à Nana Sahib et à Balao Rao, longtemps on les crut morts, ils ne l'étaient pas. Quoi qu'il en soit, la formidable insurrection était anéantie. Tantia Topi, livré par son lieutenant Man Singh et condamné à mort, était exécuté le 15 avril à Sipri. Ce rebelle, cette figure vraiment remarquable du grand drame de l'insurrection indienne, dit M. de Valbezen, et qui donna des preuves d'un génie politique plein de combinaisons et d'audace, mourut courageusement sur l'échafaud. Cependant, la fin de cette révolte des Sipayes, qui eût peut-être coûté l'Inde aux Anglais, s'il se fût étendu à toute la péninsule, et surtout si le soulèvement eût été national, devait provoquer la chute de l'honorable Compagnie des Indes. En effet, la cour des directeurs avait été menacée de déchéance par Lord Palmerston dès la fin de l'année 1857. Le 1er novembre 1858, une proclamation, publiée en bain langue, annonçait que Sa Majesté Victoria Béatrix, reine d'Angleterre, prenait le sceptre de l'Inde, dont quelques années plus tard, elle allait être couronnée impératrice. Ce fut l'œuvre de Lord Stanley. Le titre de gouverneur, remplacé par celui de vice-roi, un secrétaire d'État et 15 membres composant le gouvernement central, les membres du Conseil de l'Inde pris en dehors du service indien, les gouverneurs des présidences de Madras et de Bombay nommés par la reine, les membres des services indiens et les commandants en chef choisis par le secrétaire d'État, telles furent les principales dispositions du nouveau gouvernement. Quant aux forces militaires, l'armée royale compte aujourd'hui 17 000 hommes de plus qu'avant la révolte des Sipayes, soit 52 régiments d'infanterie, 9 régiments de fusiliers et une artillerie considérable avec 500 sabres par régiment de cavalerie et 700 baïonnettes par régiment d'infanterie. L'armée native se compose de 137 régiments d'infanterie et de 40 régiments de cavalerie, mais son artillerie est européenne presque sans exception. Tel est l'état actuel de la péninsule au point de vue administratif et militaire, tel est l'effectif des forces qui gardent un territoire de 400 000 milles carrés. Les Anglais, dit justement M. Grand Didier, ont été heureux de rencontrer dans ce grand et magnifique pays un peuple doux, industrieux, civilisé et de longue date façonné à tous les jours. Mais qu'ils y prennent garde, la douceur a ses limites, et que le joug ne soit pas écrasant, ou les têtes se redressent un jour et le brisent.